Oh, pardon. Je ne peux pas vous accompagner cet après-midi. Ma femme m'attend à la maison. Ça n'a pas d'importance. Je voudrais tellement pouvoir vous accompagner. Tant pis, monsieur le voisin. Où se trouvent-ils, ces égouts? Ils sont assez loin d'ici. L'entrée est près de la statue de Lille, sur la place de la Concorde. Oh, c'est loin. Mais non, la place de la Concorde est tout près. Vous avez besoin d'un plan. Il y a un guide à l'entrée. C'est un vieil homme, très gentil, un vieil ami. Et l'entrée, c'est combien? 2 francs. Tenez, voilà 10 francs. Non, monsieur le voisin, c'est trop. Écoutez, allez au bureau de tabac, à côté de la Tour Eiffel, et achetez un billet de la Loterie nationale. Avec un billet, vous pouvez gagner 30 000 francs. Au revoir, Paul. Amusez-vous bien.